Fuir par Clarissandre. Esprit, vole, vole, vole. Fuis les idées noires qui tentent des ailes, qui jour et nuit, sans répit, t'affolent, à en perdre le nord de ta boussole. Malheur et terreur gaiement sur les écrans caracolent, mais nos meneurs et décideurs, nos dirigeants et représentants, dignes successeurs des rois fainéants, élus transparents ou simagrants, si déplaisants, guignols et marioles, assoiffés de glorioles, de formules au vitriol, de la situation se gaussant, la réalité niant, aux solutions renonçant, du drame annoncé rigole, de belles paroles cajolent, de fausses promesses racolent, leurs engagements allègrement violent, et de leur piédestal prestement dégringolent. Sur le volcan fumant et bouillonnant, ils déblatèrent, et tout espoir ils enterrent. Ils dansent et jactent parmi les fumerolles, attendant les bras ballants que vers Mars, d'éventuels survivants décollent. Tout cela me rend folle. La fuite vers un ailleurs meilleur, non par les effluves d'alcool, mais par le souffle d'éole. De cette idée je raffole, et sur les ailes du rêve, je m'envole et batifole. Clarissandre, le 29 janvier 2023.